avoir un vrai salaire. Je suis très à l'aise, t'es pas prêt, je prépare la guerre, on est stratège. Oui, des rimes extra fraîches qui te pètent la tête et te laissent à terre. Le plat qu'on te sert est tellement bon que tous ces crevards lèchent l'assiette. J'ai la recette, donc on graille, après ça je pourrais faire la fête. J'ai des putains de buts, aucun stress devant le taf qui reste à faire. Je suis dans la matrice, nique ces putes engluées dans la vaseline. On kick ça tellement quotidiennement que c'en est devenu facile. J'aime que les gens qui l'ouvrent peu, je suis perdu quand j'entends des coups de feu, quand j'analyse leur coupe de cheveux. Mes gens sont là pour foutre le spell, bah ouais. Avec la gloire on se tourne autour, chaque fois on se loupe de peu. Pousse de bœuf dans la main, je suis pété, c'est mort. Ces fils de pute me font la morale comme s'ils étaient des nôtres. J'aime pas le mot boycott, je le boycotte. Faites pas les fous, vous avez pompé le swag à Boy George. Compte les années qui passent, j'en ai bientôt 38. C'est depuis peu que je me dis que je veux plus d'argent qu'une banque suisse. Vu qu'il y a que ça qui compte, on fera ce qu'il faut. Pour nous en empêcher, ils ont pas le niveau. On kick comme si nos vies en dépendaient. J'entends plus vos paroles, je me suis perdu dans mes pensées. Je les écoute plus quand ils font de leur gueule. Je roule sur ce game comme un monster truck. On kick comme si nos vies en dépendaient. J'entends plus vos paroles, je me suis perdu dans mes pensées. Je les écoute pas quand ils font de leur gueule. Je roule sur ce game comme un monster truck. Le but de ce manège reste très flou. On me dit faut faire du bis, faut faire des sous. Je fais des tracks, je prépare les munitions. Mon cerveau est en pleine ébullition. Le squad est dans ce truc. Donc ces enfoirés dansent plus. C'est pas de l'argent qui flambe, ça sent brûler. J'ai pas l'accent qui chante, ça sent Bruxelles. Je suis pas de ceux qui pinaillent, alors cisaille la prod. Je suis là pour faire des trucs précis comme les designs à slob. Laisse-moi faire, je suis dans la salle d'op. Y'a des avis qui m'intéressent, mais pas le vôtre. On kick comme si nos vies en dépendaient. J'entends plus vos paroles, je me suis perdu dans mes pensées. Je les écoute plus quand ils font de leur gueule. Je roule sur ce game comme un monster truck.